Ma frappe, y'a personne qui l'arrête. Penalty, je souris au gardien. Ego, y'a mon clé dans l'arène. Ciseau retourné comme papin. J'parle pas trop, j'me fous du rappeur. J'nego, c'est ta romade. Tes rappeurs, c'est tous des tapins. Ils se passent tous la pommade. Toute ma vie, j'l'ai ramé dans les ténèbres. J'me réveille, j'ai cette haine qui me pénètre. Peu de mandat, mais l'état m'envoie tes lettres. Mougli n'aime pas qu'on lui dise tes célèbres. Chaque jour c'est la même, c'est le bif qui me fait frissonner. Né, pas honte de l'armée, c'est pété, moi j'en pissonné. Né, dans la jungle, tu sauvages, un gros H pour m'isoler. Les grosses tasses qui déboulent sous mon arbre, je les prends en le. J'tacle à la gorge comme un pit PNL ou à la pum pum. Tire à ton pote dans la street, c'est la mort ou la pipi. Choisis ton camp, mes belles coca ou ça tire. Joue pas le thug avec ta meuf, on sait, tu fais le titi. J'suis de l'époque, la Sega, j'm'entraîne à frapper comme Sagat. Rico Rico, j'débarque, bum ratatata. Fais gaffe, faut hep, c'est pas patatata. J'connais le million, méchant, toujours pas la la la la. Entre nous, programmés, et même pas, font semblant. C'est chelou, j'suis armé, cœur de pierre, abonné. J'suis mouglé, j'suis Simba, animal, ça s'entend. Dans leur mère, tu connais. Da, da, da. Bas les couilles pour Chuen, da, da, da. Bas les couilles, c'est pété même pas. Pas, pas. Au fait, moi j'ai les couilles de papa. Mon Dieu, faut que je me dirige vers la mec. Mais bon, je suis de la pire espèce. Avant, j'étais moche dans la tesse. Aujourd'hui, je plais à Eva Mendes. Gars, gars, gars, gars. J'ai mal, je vois mes semblables en bas. Bah, bah, faire rom pom pom pom. Hello, hola. Tes lèvres ne me font plus penser. Hello, hola. Mes rêves ne me font plus bander. Je sors une arme dans le respect. La patience, le temps pas testé. Gratte pas l'amitié, pas de nouveaux amis. Pas l'amitié, pas de nouveaux amis. On enverra Mougli chercher mes tailles. Je redouble plus la visite de l'Afrique. Tout est possible, je fais oseille, tout devient réel. Elle aime les voyous, je viens de chez Tana, cherche mec mortel. Poutin épluche mon cœur. Ton putain de futur au bout d'une chaîne. Ne m'attends pas, attends pas, ou cache ta vie dans mes bras. Petit ange qu'elle est séduisante, la couronne à Simba. Je suis un ta, ta, ta. Bah les couilles c'est pété même pas. Pas, pas. Au fait moi j'ai les couilles de papa. Pas, pas. Mon Dieu faut que je me dirige vers la mec. Mais bon je suis de la pire espèce. Avant j'étais moche dans la tesse. Aujourd'hui je plais à Eva Mendes. Gars, gars, gars, gars. J'ai mal, je vois mes semblables en bas. Pas faire rom pom pom pom.